suis pas un expert en amour, mais mon cœur bat comme un tambour quand je pose mes mains sur tes hanches, que je te retrouve le dimanche. Moi je crois pas aux années qui comptent, je suis si impie que j'en ai honte. C'est dans le pourpre à Byzance que fut sacré notre romance. Ça fait pas rire les prophètes qui prétendent que l'amour tombe des nuées sur nos têtes pour en repartir un jour. Pas payer mes indulgences, car c'est toi qui me donne la croyance que notre avenir sera sublime. Ça fait pas rire les prophètes qui prétendent que l'amour sur nos têtes pour en repartir un jour. Depuis mes prières vont vers toi, ma reine, ma foi, ma loi. Ça fait pas rire les prophètes qui prétendent que l'amour tombe des nuées sur.